Abraham descend encore vers Guérar. La peur le pousse à mentir. Il cache Sarah derrière un demi-mot. Pour sauver sa propre vie, mais tu interviens dans la nuit du roi. Tu protèges ce qui t'appartient, car ta promesse ne sera jamais livrée aux calculs fragiles des humains. Quand la peur brouille nos pas, tu gardes tes engagements. Tu protèges la promesse, même quand nos choix vacillent. Tu défends ce que tu as déclaré, quand notre foi devient fragile. Tu protèges la promesse, car ton plan ne dépend pas de nous. Et quand tout semble menacé, ta fidélité parle plus fort que nos doutes. Abîmé l'écran, ce qui ne lui appartient pas, il reconnaît ta main redoutable. Sarah revient dans l'honneur, et ton plan reste intouchable. Et Abraham prie pour celui qu'il avait pourtant presque brisé. Même ceux qui trébuchent devant toi peuvent encore être restaurés. Tu protèges la promesse, tu protèges la promesse. Ta fidélité garde ce que tu déclares. Genèse 20, le rire accompli. Au temps fixé, la promesse s'ouvre. Le rire naît dans les bras de Sarah. Ce qui était impossible hier, crie aujourd'hui, le voici là. Isaac arrive comme une preuve vivante, que ton silence n'était pas un non, et que l'attente sous tes saisons donne toujours naissance au bon moment. Ce que tu promets, tu l'amènes à la vie. Le rire revient dans nos maisons, après les larmes et les saisons longues. Quand tu accomplis ta parole, même les cœurs brisés deviennent chansons. Le rire revient dans nos maisons, quand la promesse devient réalité, et nos doutes se transforment en louanges devant ton amour manifesté. Mais Agar et Ismaël sont renvoyés. Un autre désert s'ouvre devant eux. La douleur accompagne obéissance, et les pleurs montent encore vers les cieux. Tu entends pourtant la voix de l'enfant. Tu ouvres une source au milieu du sable, car même ce que l'homme met à l'écart reste précieux devant l'inébranlable. Le rire revient dans nos maisons. Le rire revient dans nos maisons. Ta fidélité ne rejette jamais. Tu protèges la promesse, même quand nos choix vacillent. Tu défends ce que tu as déclaré, quand notre foi devient fragile. Tu protèges la promesse, car ton plan ne dépend pas de nous. Et quand tout semble menacé, ta fidélité parle plus fort que nos doutes.